À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 Dequin secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercient de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. On va parler de golf dans les grandes entrevues. On va parler avec probablement l'un des meilleurs golfeurs de l'histoire du Québec, qui probablement l'un des meilleurs. On en parle avec Kevin Fortin-Simard. Salut Kevin! Salut! C'est Kevin, l'un des meilleurs golfeurs de l'histoire au Québec. Ça te dérange pas que je te dise ça? Écoute, de ce fait, potentiel, je te parle. Ben, des chapitres à écrire, on verra. Non, ben écoute, j'ai quand même réussi quelques beaux petits trucs, donc je connais pas tous les parcours de tout le monde, mais c'est flatteur. Merci. Kevin, comment ça a commencé l'amour du golf? Ta passion pour le golf? En fait, c'est vraiment familial. Donc, mon grand-père était l'un des premiers membres du club de golf Saint-Prime quand à sa création. Donc, mon grand-père a adopté ce sport-là comme sport et pratique, là, pratiquement comme une religion. Puis, de là, mon père a baigné là-dedans. Donc, mon père a joué pendant plusieurs années. Puis, en fond, moi, comment ça s'est vraiment concrétisé, c'est j'avais, je pense, quelque chose comme 9 ans. Puis, il avait organisé un skin game là, à travers quatre membres du club de golf à Saint-Prime. Mon père était là-dedans. Puis, j'avais assisté à ça. Puis après comme 9 ou une dizaine de trous peut-être, là, je voulais aller frapper des balles. Là. J'étais tanné de suivre. Je voulais aller jouer moi-même. Fait que je m'étais ramassé dans le chat pratique. J'avais frappé des balles pendant comme une couple d'heures. Puis, partir de t'avais quel âge à peu près dans ce temps-là? De souvenir, j'avais 9 ans. Puis après, à partir de 10 ans, on pouvait devenir membre là, au club à Saint-Prime. Donc l'année suivante, j'étais devenu membre puis j'avais commencé tout de suite après. Là. C'est quand même spécial pareil, parce que normalement, tu sais, que comparativement à un joueur de hockey, comparativement à un joueur de tu peux commencer plus tôt. Il y a des joueurs de hockey qui jouent 4-5 ans, tu as commencé en 9 ans. C'est là qu'on voit le talent inné, hein? Ben en fait, tu sais, c'est sûr que je pratiquais d'autres sports. Fait qu'avant ça, je jouais au baseball, puis je jouais au hockey d'hiver. Puis le golf, c'est juste ajouté à ça. Puis après, peut-être une couple de saisons, j'ai abandonné le baseball pour juste me consacrer au golf. Talent, ben du talent, c'est sûr qu'il y en avait un fort qui part. Mais tu sais, j'en mangeais, donc j'étais chanceux aussi là, mes parents puis les quelques amis avec qui j'allais au golf, en fait là, les parents se relayaient, fait qu'on manquait pas une journée, on était là tous les jours, on était là pratiquement du lever du soleil jusqu'au coucher là, c'était assez maladif notre affaire. Puis je pratiquais même proche de la maison, j'avais un champ, fait que tu sais, j'en mangeais puis j'en faisais comme une douzaine d'heures par jour, puis c'était pas un travail, peut-être, comme des fois on peut rencontrer aujourd'hui où les jeunes n'ont pas l'air nécessairement à s'amuser. Moi, je faisais pas ça par quête de quoi que ce soit. Même à ce moment-là, je voulais encore devenir un joueur de hockey, non pas un joueur de golf. Je faisais juste ça parce que j'aimais ça. Puis ça a donné des fruits un peu plus tard. J'ai eu une belle carrière jeune junior, venu de rien d'extravagant, là, mais à un moment donné, ça s'est concrétisé quand même assez vite après ça. Après ça, c'était donc tu as 9 ans à 10 ans, quand tu vois ta passion, ton père décide de t'inscrire, j'imagine, à du golf junior, c'est ça? Oui, ben dans le fond, là, puis tu sais, encore là, tu sais, il y a des choses des fois qu'on. Il y a des personnes qu'on rencontre, des heureux hasards qui font en sorte que ça nous amène à certaines places. Puis bon, au club à Saint-Prême, on avait un responsable junior qui était excessivement dédié à sa tâche, là, qui était Mario Bernier. Puis lui, bon, m'avait pris un peu sous son aile, puis il me permettait pas nécessairement de manquer un tour. Donc, à la limite, c'était lui qui trouvait les tournois provinciaux auxquels je pouvais aller participer. Là, t'avais 10 ans à ce là, ben 10, 11, 12, là, tu sais, ça avance un petit peu, okay. Là, fait que au fil du temps, fait que je faisais des compétitions régionales. Puis à un moment donné, quand lui et Mario faisaient un peu, forcément, c'était lui qui recevait un peu ces documents-là, ces tournois-là au club. Puis bon, pas m'obligeait, là, mais du moins suggérait fortement que moi et un de mes amis proches, là, on s'inscrit puis on y aille. Puis c'est un peu de même que la scène provinciale, là, j'ai écouté. Fait que c'est un peu grâce à lui aussi. Fait que c'est un hasard parce que bon, si ça avait pas été de ça, peut-être que j'en aurais moins joué, puis ça tombe jamais. Ça aurait pu être un peu différent. OK. Arrive maintenant ton premier tournoi. Comment ça a été ton premier tournoi junior? Hé, hey, là! Non, je te plains, c'est le but des grandes entrevues, Kevin. Tu connais ta carrière, connais un peu le parcours. On parlait souvent de... Quand je fais des entrevues avec toi, c'est souvent comment dirais-je, de parler de performance, de tournoi. Mais là, c'est ça le but, là. C'est d'arriver avec... te connaître davantage. Une chose est sûre, c'est que... Au fil du temps, ce qui m'aura peut-être bien servi en tant que golfeur, ce qui aura aidé à ce que je réussisse à faire ce que j'ai fait, aura été ma faculté d'oublier. Au final, les mémoires qui, on dirait qu'ils s'effacent quand même vite. Fait que, tu sais, j'ai des souvenirs, oui, j'en ai. Premier tournoi junior. Ça avait-tu été bien été? J'ai un paquet de chums qui pourraient le dire mieux que moi, en fait. Fait que, tu sais, mon parcours junior dans la région, je m'en souviens, oui, là, mais j'ai pas souvenir d'avoir été, mettons, dominant au point de dire que je gagnais tout puis que j'étais toujours front page puis qu'il y avait pas de compétition. Là. Okay. Donc, tu sais, je faisais mes choses, je jouais bien. J'étais confronté peut-être à jouer contre des un peu plus vieux que moi, mais il y a aussi le fait que... À Saint-Prime, j'avais comme un modèle et un beau défi à essayer de relever, comme à toutes les fois que j'étais là. Puis c'était Jonathan Lambert qui, lui, sur la scène junior régional, était l'un des très bons. Puis Jonathan, lui, ben, il a participé à deux championnats juniors canadiens, je ne me trompe pas. Fait que, puis il y en a comme un seul, je pense, dans la région, dans cette période-là, pendant que moi j'étais junior, il l'a fait, puis il était à mon club. Fait que, j'avais quand même. Un bon challenge un peu plus vieux que moi, puis c'était quand même affectif. Pas pour dire que j'étais dans l'ombre d'eux, mais c'était un peu ça, parce que Jonathan, lui, faisait des super belles choses aussi. OK. C'est quand ton premier déclic, tu te dis, là, gars, c'est là que vraiment là, que je peux aller plus loin? Ben, ça s'est fait très, très. Un peu par hasard et chance, là. Fait que, tu sais, quand j'avais 16 ans, je me suis. Un tournoi qui était les premiers élans, un tournoi qui était comme de niveau international, parce qu'il y avait des joueurs d'autres que du Canada qui étaient là, à Laval-sur-le-Lac. Puis, justement, un de mes amis proches qui était Patrice Léveillé, bon, son père Gilles était l'un des anciens pros au club de golf à Saint-Prime, puis connaissait bien le club de Laval-sur-le-Lac. Nous avait comme dit, c'est un beau trip à aller vivre, d'aller jouer là-bas. Donc, on s'est inscrit à ce tournoi-là à Montréal. Puis, dans le fond, sans trop savoir dans quoi qu'on s'embarquait vraiment. Hein. Mais au final, là, je me suis ramassé à gagner le tournoi en prolongation. Okay. Puis, à partir de là, une couple de semaines plus tard, c'est ça, c'était un peu tout du flou puis de l'inconnu. Parce que, bon, je suis arrivé au championnat provincial junior. Puis là, ben, il y avait justement le journaliste tout ça, qui voulait me parler après mes rondes. je comprenais pas nécessairement pourquoi. Puis c'était via une entrevue que j'avais appris que j'avais gagné, dans le fond, un laissez-passer pour le championnat canadien. Junior. Ah oui, ok, c'est d'accord. Donc, même pas, toi, tu comprenais pas ce qui se passait. Ben, puis, j'avais gagné, c'est ça. J'avais gagné le tournoi à Montréal, okay. Mais je n'étais pas trop fait. Puis là, il y a comme du monde de Golf Québec qui m'ont aidé à préparer mes affaires pour être des okay. billets d'avion et ça. Parce que j'étais pas dans le cadre de l'équipe du Québec. J'étais comme un outsider, si on veut, via le tournoi que j'avais gagné une couple de semaines avant. Puis, tu sais, moi, dans le fond, dans mon planning d'été, les choses se déboulaient, puis je m'en allais jouer le club de golf, le championnat du club à Saint-Trim, puis après ça, l'école recommence, puis c'est ce qu'on fait là, tu sais, dans le fond, le hockey, puis le classique. Mais là, c'est ça. Fait qu'une couple de semaines après, j'étais sur un vol vers le premier championnat junior que j'ai joué, je pense que c'était Calgary. Puis comment ça a été? Ben, c'est ça. Fait que rendu là-bas, en fond, je me suis trouvé. Non, c'était à Saskatoon, excuse-moi. Okay. Puis, j'ai fini deuxième juvénile. OK. Puis, je m'étais fait seulement abattre par un Américain, en fait. Donc, je me trouvais dans l'espace de comme vraiment pas long. J'étais pratiquement le premier classé juvénile canadien. C'est que ça s'est fait dans l'espace d'une couple de mois en gagnant un tournoi. Puis en finissant premier canadien au championnat canadien de 16 ans et moins, ben deux mois après j'étais sur l'équipe nationale. Fait que, ça s'est comme fait en une espèce d'éclair, là, une espèce de flash de deux mois que je jouais à Saint-Prime, je roulais ma petite bosse, puis deux mois plus tard j'étais sur l'équipe nationale, puis je partais pour les États-Unis puis un peu ailleurs. Là. Ok, c'est là que le déclic s'est fait. Puis ton premier tournoi aux États-Unis. Premier tournoi aux États-Unis, je pense que c'était à Disney. OK. Fait que je suis allé là avec mon père, puis c'était un AGT, je crois. C'est à peu près sur le gros circuit junior américain. Je me souviens que ça n'a pas été super. Non, OK. Parce que j'imagine que c'était. Je me souviens de ça. OK. Ben, c'est ça, c'était un peu. Mais tu sais, je connais, tu sais, c'était tout nouveau, ça s'est fait super vite. Je savais pas trop dans quoi j'étais embarqué là. Fait que tu sais, un peu dépassé par justement, là, je m'en allais jouer en Floride, type de gazon différent. Premier, tu sais, c'était un paquet de nouveautés tout en même temps. Forcément, j'étais pas prêt là, à ce moment-là, là, mais ça a été le début de plusieurs visites après ça. Ben, c'est ça, là, parce que là, on est rendu là. Le déclic, donc j'imagine que si tu en vas aux États-Unis, ça va plus ou moins bien été. Par contre, tu décides quand même de te consacrer au golf. À quel moment tu t'es décidé? Parce que moi, je me rappelle, là, j'ai commencé à te connaître, ça fait quand même 15 ans. Là. Il y avait un groupe d'hommes d'affaires qui avait réuni une bonne somme d'argent pour t'aider. Ça s'est fait quand, ce moment-là? Il y avait une corporation d'hommes d'affaires. Un peu plus tard, dans le fond. Fait que, tu sais, là, je finissais mon année 16 ans, 17 ans, là, je commençais sur l'équipe nationale. À partir de là, mes horaires de tournoi avaient changé beaucoup. Faut que là, à la limite, j'étais même plus dans la région tout court. Je pense que j'ai arrêté. Je suis pas sûr que j'avais rejoué un tournoi régional à 17 ans. À la limite, je jouais pratiquement, pas beaucoup non plus au Québec, là. Fait que via l'équipe nationale, je me promenais quand même pas mal. Fait que les États-Unis, j'étais sur l'équipe pour aller justement dans les championnats du monde. Fait que j'étais allé justement aux États-Unis, Japon. J'étais allé un peu partout, là, fait que dans l'espace de... T'es allé au Japon? T'as fait des tournois au Japon? J'en ai fait deux fois au Japon. J'étais allé Australie, Europe, Amérique du Sud, quand plusieurs fois. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que là, dans l'espace de 12 mois, 16 ans, début de l'été, je jouais les tournois régionaux, puis 17 ans, début de l'été... J'étais un peu partout dans les valises. Là. Fait que hey, ça va vite, hein? C'était la même chose. Oui, exact. Fait qu'à partir de là, j'ai fait une couple d'années. Après ça, j'ai été approché à l'université américaine. Fait que après ça, j'ai signé pour aller à Memphis. Puis là, dans ce cadre-là, quand j'ai décidé pendant ma deuxième année, avant le début de ma deuxième année d'université à Memphis, c'est là que j'avais décidé que j'allais tourner pro l'année d'après. Okay. C'est là que le groupe a commencé à se matérialiser. Mais entre 16 ans, tu dis que tu jouais junior, et 17 ans, tu junior au Québec, puis là, 17 ans, tu t'es rendu partout, au Japon, en Suisse, en Australie, partout, en France, puis tu vois. Ça va vite dans ta tête. Est-ce que, avec le recul là, que tu regardes aujourd'hui, est-ce que c'est allé trop vite? Est-ce que tu aurais dû. Parce que. Est-ce que c'est ça qui a peut-être manqué un peu dans ta carrière? Parce que je me semble que. Ouais, avec le recul ce serait dur de dire c'est allé trop vite ou y a-t-il des choses qui ont manqué ou peu importe. On se retrouve à parler de ça déjà 17, 18 ans plus tard. Ouais. Si on recule 17, 18 ans d'aujourd'hui, juste au niveau technologique, il y a bien des choses qui ont changé, qui ont fait que le trip que j'ai pu faire avec la famille l'an passé, ça aurait été une petite autre histoire pour le 17, 18 ans. Là. Fait que tu sais, il y avait pas de les cellulaires, ces affaires-là. Fait que c'est une autre chose. C'était plus dur d'avoir l'information de se documenter. Fait que je sais que le monde alentour de moi, tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait pour avoir de l'info, mais là j'étais comme en train d'embarquer dans une trail qui était un peu méconnue de tous. Puis ben, ça, je pense que c'était même au niveau du Québec. Là, c'était pas juste dans mon entourage proche. Là. C'est mes parents forcément n'étaient pas documentés là-dessus, comme moi je l'étais pas. Personne dans la région l'était, puis mon coach à Québec, Fred, n'était pas. J'étais familier avec une portion du réseau, mais tu sais, Fred Colgan. OK. Puis tu sais, juste le fait d'avoir un Québécois qui se ramassait avec... peut-être d'avoir... Tu sais, j'aurais peut-être pu avoir le luxe de pas choisir mon université, mais j'aurais pu peut-être faire un choix différent de celui que j'ai fait qui aurait pu m'amener complètement ailleurs. Ouais. Sauf que bon, tout ça s'est fait super vite. J'ai eu un offre, j'ai signé pratiquement en première place quelqu'un qui m'a offert quelque chose parce que bon, c'était déjà super bon. Puis là, ben, ça s'est fait vite, oui, mais en même temps, ça m'a pas permis, tu sais, j'ai pas eu le temps d'hésiter. Là. Je l'ai fait, j'ai embarqué là-dedans, puis je me posais pas de questions. OK. Puis, avec le. Puis, comment ça a été dans tes tournois au Japon, en France, dans l'ensemble? Ça a-tu bien été? T'as-tu gagné? T'as-tu passé proche? Comment ça s'est passé? Mes premières expériences vraiment internationales, ça n'a pas été super. Aux États-Unis, ça s'est placé quand même assez vite. Fait qu'aux États-Unis, j'ai été capable de faire de quoi de pas trop mal, surtout quand c'était sur dans le nord-est, mettons, du moment que là, je changeais, puis bon, on s'en allait dans le sud, ou justement, là, juste la différence de gazon, tout ça. À partir du moment que je suis allé à Memphis, puis que j'ai pu comme m'habituer puis adopter un peu différents styles, différents. Ça, t'avais quel âge à Memphis? Terrains. J'avais 18. OK. Ouais, 18. OK. Fait que c'est ça. Fait que à partir de là, aux États-Unis, pas si mal, ça m'a aidé après ça au niveau international tranquillement. Fait que j'ai eu une couple de bonnes performances Amérique du Sud surtout. Japon, Australie, moyen. Là. Ouais, ben moyen. C'est les tournois, c'est pas mal les terrains qui sont pas faits pareils. Les conditions aussi sont pas faites pareilles non plus. Là. Ouais, puis tu sais, ben, dans le fond, il y a ben plein de facteurs, mais tu sais, juste l'habitude. Ouais. Oui, OK, là, j'avais 18, 19, 20 ans, mais on embarquait dans l'avion, comme 4 jours plus tard, on était en première ronde, tu sais, on se ramasse au Japon, puis 4 jours après, on était en tournoi, décalage, tu sais, on n'avait pas le temps de s'acclimater à grand-chose, puis j'ai eu des bons tournois, là, mais rien d'exceptionnel, okay. Là. Par la suite, tu décides, c'était le moment de te classer pour essayer de te classer pour le PGA. C'est là qu'on s'est pas mal connu. Oui. Est-ce que, qui t'a parlé de ça, puis qui t'a convaincu d'essayer ça? Ah, en fait, je me suis convaincu moi-même. Dans mon entourage proche, il y a vraiment personne qui me disait « Go, tourne pro, c'est l'heure. » En fait, je l'ai fait à l'encontre de tous les conseils que j'ai pu avoir de mes proches. Là. Avec le recul, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Je ne saurais jamais. Je l'ai fait vite. J'ai fait vite, oui, mais je l'ai fait. C'est pas dit que si j'avais laissé les années d'école continuer et tout, c'est pas dit qu'à un moment donné, j'aurais été moins disposé à le faire comme je l'ai fait. Je pourrais pas dire. Bon, ça, ce morceau-là, on ne saura jamais. Est-ce que la NCA a été une option, tu viens de me le dire? C'était-tu quand même quelque chose qui aurait pu être avantageux pour toi? Ben, je l'ai, tu sais, c'est ça. Dans Memphis, je l'ai fait. Je l'ai fait 2 ans. OK. Justement, de par le choix de l'école, bon, c'est en division 1, ça, c'est une chose. J'ai eu, puis j'ai eu des bonnes performances à Memphis, mais ça n'a pas. On dirait que ça s'est vite devenu comme redondant un petit peu, parce que bon, l'école en tant que telle, on se trouvait pas à faire face aux grosses universités trop souvent. Puis c'est un peu ça qui a matché un peu avec ma décision. Okay. Fait que, à la fin de l'été, là, juste avant de retourner de ma deuxième année, j'ai eu une belle performance au US Amateur, au niveau là, justement du okay. de la portion qui était stroke play, là, avant de tomber en match play. C'est un peu là que le déclic s'est fait. Puis quand je suis arrivé à Memphis ma deuxième année, j'avais décidé avant de commencer, puis je l'ai annoncé à mon coach que je ne revenais pas pour une troisième. Okay. Ça a été dit super de bonne heure. Puis tu sais, ma deuxième année universitaire, j'avais réussi un paquet de belles choses. Là. Dans le fond, je pense que j'ai gagné 3 fois. J'ai fait une bonne saison. Fait que c'est pas comme si j'avais fait un choix, ça s'est fait automatique. Là. J'ai fait un choix, puis ça a pris quand même une bonne année avant que je fasse le saut. Là. Puis les performances au niveau amateur ont continué de bien aller pendant toute cette année-là en tant que telle. OK. Kevin, souvent, on fait une pause. Je veux revenir sur le fait que tu as failli classer sur la PGA. Ça a passé très, très près. Vous avez dit, écoute, l'entrevue de Kevin Fortin-Simard sur les ondes de Dan du Sport. Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain? Ou pour vos forfaits motoneige, Chalet Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière situé à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou téléphonez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation d'Olbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation d'Olbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. On est de retour à danadosport.com avec Kevin Fortin-Simard. Kevin, t'as passé très très près de te classer sur le circuit de la PGA. T'as passé un cheveu. Je pense que c'est quoi, une ronde que t'as passé proche? Ouais, ben, un tournoi, en fait. Ouais. Je me suis rendu à la dernière étape de qualification. J'ai pas eu une super performance à ce moment-là, là, dans ce tournoi-là. Donc, à ce moment-là, bon, j'avais une chance. Les 25 premiers avaient une carte sur la PGA. Puis, bon, ça m'a amené à jouer le circuit qui était le Nationwide, qui est aujourd'hui le Corn Ferry, juste en dessous. Puis, à partir de là, bon, ben, en étant un peu dans la roue, avec les performances, j'aurais pu obtenir un droit pour la PGA. Ça n'a pas été le cas, mais tu sais, j'ai passé proche. En tout cas, j'avais une chance. OK. Là. OK. Qu'est-ce qui avait manqué? C'était un trou, je pensais. Ben, j'ai eu un trou assez tôt dans le tournoi là, qui a fait en sorte que ça a déraillé bien des. J'étais pas, tu sais, c'est un peu, des fois, il y a des circonstances où tu sais, comme j'en ai eu des heureuses en début de carrière, des fois, ouais. Un peu plus tard dans le temps, bon, la première fois que j'ai réussi à me rendre au dernier stage pour les qualifications du PGA, habituellement, le quand ça se tenait en Floride, c'était dans le coin d'Orlando, sur deux terrains que je connaissais super bien, où j'étais super à l'aise. Puis, sauf que bon, là, cette année-là, dans le fond, deux ans auparavant, il y avait eu une histoire, en tout cas, un employé qui avait une histoire de racisme. En tout cas, ah, ouais? Que le terrain en tant que tel avait été comme banni pour accueillir des tournois du PGA. Donc, ça a été déplacé dans le coin de West Palm. Puis, okay. Bon, il y avait une chose au fil des années qui s'était un peu. Qui s'était représenté à plusieurs reprises, mais des terrains qui étaient dessinés par Jack Nicklaus n'avaient jamais été ma tasse de thé vraiment. Là. Puis donc, le tournoi avait été déplacé dans un univers Nicklaus, si on veut. Fait que tu sais, j'étais pas à l'aise du premier coup jusqu'au dernier, là, pendant six rondes de temps sur deux terrains. Fait que tu sais, j'étais pas dans mon élément. Ça a donné un résultat qui était bien so-so, mais c'est des choses qui arrivent. Là. OK. Donc, par la suite, tu as tenté le Nationwide, si je m'abuse. Ou le circuit, tu as tenté le Nationwide. Comment ça a été le Nationwide? Nationwide, ben là, c'est ça. Quand j'ai fait, de par la performance que j'avais eue à ce tournoi-là, mon statut pour avoir accès au tournoi du Nationwide n'était pas super. Fait que ça a été quand même long avant que je réussisse. Ça fallait encore que je réussisse à qualifier là, dans un tournoi du lundi, là, d'une journée pour réussir à rentrer dans un, puis après ça, essayer de faire quelque chose de bon pour rentrer un peu dans la roue. Fait que ça m'a pris, je pense, au mois de mai, que j'ai réussi, avril-mai, à qualifier pour un. Puis, j'en ai joué 7, je pense, 7 ou 8 là, dans l'année. Au fil des semaines, ça allait pas nécessairement de mieux en mieux. Mais en même temps, je suis en train de découvrir à quel point que l'univers, tu sais, puis justement, le fait que je l'ai fait super vite, des fois, entre compétitionner au niveau junior au Québec, puis sous PGA ou Nationwide, là, on s'entend qu'il y a un écart, oui, mais c'est pas nécessairement un écart qui est majeur, tant que ça. Le gap, il est gros. Fait que j'étais pas nécessairement prêt à ça, là. Fait que je l'ai vécu un peu à la dure, parce que bon, t'étais tout seul, si on va se le dire, là, t'étais tout seul. Écoute, je faisais des entrevues dans ton temps, là, dans ce temps-là, je t'ai arrivé. Là. T'étais tout seul à traverser les États-Unis, si je m'abuse. Ouais. Ouais, là, j'avais un chum qui était avec moi, ouais, qui était cadet, mais tu sais, dans le fond, c'était assez. C'était challengeant. Puis, dans le fond, le morceau qui était le plus dur à comprendre ou justifier ou découvrir, c'est que bon. C'est arrivé quand même à quelques reprises où j'avais joué deux bonnes rondes le jeudi, vendredi, mettons, pour faire la coupure. Fait que je pouvais me ramasser à moins 6, moins 5, moins 7 après deux jours hein, pour jouer la fin de semaine. Mais 2, 3, 4, 5 ans auparavant, après deux rondes à moins 7, ben, je pouvais gagner un tournoi au Québec. Puis dans le cadre du Nationwide, ben, à moins 7 après deux jours, ben souvent j'étais comme 45e. Puis là, ben, je jouais pour un chèque de paye et non pas pour gagner pendant la fin de semaine. Fait que ça, tu sais, c'était un autre. Ça m'a comme rentré dedans un peu. C'était comme tough à comprendre, à catcher. L'écart était gros. Il y a un paquet de gars qui jouaient des scores qu'à la limite, j'avais jamais joué. J'avais été capable de jouer des bonnes rondes, là, tu sais, des 64, des 63, mais à un moment donné, quand il y a des joueurs qui jouent des 61 puis que tu l'as jamais joué, même pas en pratique, ben non, tu te demandes où ta place, là, tu sais, fait que. Moi, je pense je pense qu'Evan Ducorin, mettons, si t'aurais eu un psychologue sportif, t'aurais eu, un entraîneur aussi qui aurait été avec toi, ça aurait été une autre affaire. Tu voyageais avec tout seul ou avec ton chum, mais si tu des fois, juste parler comme ça, qu'il l'a vécu avec toi, ça aurait pu être différent. Est-ce que je me trompe? Ben, il y a bien des choses qui auraient pu être différentes. Psychologue sportif, j'en ai essayé quelques-uns. J'ai pas eu des expériences. Mais avec toi, là, qui te voyage. Mais avec moi, oui. Sauf que, tu sais, j'ai eu des bonnes sommes qui avaient été ramassées pour m'aider. Mais ça avait quand même sa limite dans le temps, puis il fallait que ce soit géré. Donc, là, tu sais, il y a eu des décisions qui ont été prises, puis c'était pour me permettre de le faire le plus longtemps possible pas le faire de façon, tu sais, encadrée, chouchoutée, puis j'ai eu tous les morceaux pendant une petite période. Fait que, tu sais, au final, j'ai eu mon chemin, mon expérience, puis tu sais, ça, les questions, on pourra toujours se les poser, mais je te dirais que pour ma part, en tant que tel, donneur, je suis excessivement reconnaissant envers toutes les chances que j'ai pu avoir puis tout le support que j'ai pu avoir. C'est quand même assez unique qu'il y ait eu du monde qui ont cru à ça, qui ont ramassé les sous, puis que j'ai eu une chance qui était comme inouïe de l'essayer. Puis l'autre côté, c'est qu'au final, je suis quand même content et fier de l'avoir essayé. Ça aurait été facile pour moi de dire je m'ennuie, puis je reste chez nous, puis je suis bon. Puis tu l'as dit tantôt, j'étais tout seul là-dedans. J'avais un chum, puis il y a des périodes que j'étais tout seul. Mais tu sais, j'étais tout seul aux États-Unis ou un peu partout, mais j'étais tout seul en train de l'essayer. Si t'aurais un jeune. Tu être chez nous avec des amis, puis. Si t'aurais un jeune comme Kevin Fortin-Simard qui arriverait, mais avec l'expérience de Kevin Fortin-Simard, ce qu'il a fait, là. Pense à un gars comme Pierre-Alexandre Bellard, il est pas trop tard, Pierre-Alexandre, là, de l'essayer, là. C'est quoi que tu lui conseillerais? Ben, j'ai parlé avec PA quand même pas mal. On se connaît quand même bien, puis il m'a approché un petit peu. Puis on a jasé. Mais au final, c'est différent aussi. C'est sûr que tout le monde est différent, puis tout le monde, puis les réalités de tout le monde sont différentes. Puis là, la pandémie fait en sorte que la dernière année, peut-être que PA n'a pas fait l'année qu'il avait en tête. Puis ça, ben, c'est des choses qui arrivent. Mais tu sais, dans le fond, pour que ce soit PA ou d'autres, dans le fond, c'est d'aller se mettre c'est d'aller le découvrir le plus vite possible, en fait. Ça se joue au Québec. Je pense que là, il y a un paquet de super beaux espoirs au Québec. Puis de plus en plus, les jeunes ont la chance d'aller se frotter au meilleur. Moi, j'ai pas eu, mettons, l'expérience PGA. Ben, au final, je l'ai jamais vécu. Mais tu sais, j'aurais peut-être pu avoir la chance de jouer un tournoi du PGA quand j'avais 20 ans de par une exemption, peu importe, puis de voir un peu c'était quoi, tu sais. Ça, je l'ai pas eu, cette chance-là. Puis je sais qu'il y a un paquet de jeunes qui l'ont eu ou qui l'ont gagné, tu sais, puis PA va le vivre l'an prochain, puis peut-être que ça va s'avouer super révélateur et formateur pour lui. Espérons-le. Puis tu sais, c'est le plus gros morceau, je pense, c'est de savoir dans quoi tu t'embarques pour connaître un peu qu'est-ce que tu auras à faire pour réussir à peut-être te rendre jusqu'au bout. Est-ce que tu penses que c'est ça qui devrait pour populariser le golf? Quoi que les clubs ont connu une très très bonne année. T'as été directeur général du club de golf de Saint-Prime, pas de Saint-Prime, mais de Saint-Gédéon, donc tu dois savoir de quoi je parle, là. Mais ils ont eu une très très très très bonne année, les clubs de golf. Par contre, ça a toujours. Avant cette année, là, on cherchait des solutions pour assurer la pérennité des clubs de golf. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un Québécois qui serait sur le circuit de la PGA aiderait grandement à populariser le golf? Il va en avoir une sur la LPGA qui s'appelle Celesta Dao. C'est pratiquement certain qu'elle sera sur la LPGA dans pas grand temps. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait être la solution pour que les jeunes jouent au golf? Un peu comme au tennis. Quand Eugénie Bouchard a commencé à jouer au tennis, on a vu des jeunes jouer au tennis. Quand la boxe est devenue populaire, Eric Lucas, on a vu des jeunes boxeurs aller sur... dans les centres d'entraînement de boxe. Est-ce que c'est la solution? Ça peut pas nuire. Ouais. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, au niveau médiatique, il y aura de la couverture supplémentaire, ça sera juste de l'exposition supplémentaire. Ne souhaitons pas que la seule façon de populariser le golf soit via des pandémies. souhaitons qu'on ait d'autres façons. Mais tu sais, pour moi, dans le fond, ce qui m'a toujours le plus accroché au golf, ça a été toujours des belles réalisations, mettons, des belles performances, même si c'était sais, c'était pas incroyable, mais juste de réussir à jouer des bons scores en bas âge. Fait que, tu sais, je pense que de rendre ça le plus possible, le plus vite, ouais. Tu sais, le plus rapidement. Parce que 9 ans, t'as commencé très tard, là, puis c'est extraordinaire que t'as fait à 9 ans. Ouais. Si t'aurais commencé à 4 ans, 5 ans, comme un joueur de hockey, peu importe, qui sait, t'aurais peut-être été, tu serais déjà sur la PGA, peut-être, là. Ah, ben, ça aurait peut-être été différent, sauf que, moi, j'ai quand même eu bien de la chance, puis j'ai été exposé à ça, j'aimais ça. Puis quand je voulais jouer, je pouvais jouer. Fait que ça, c'est la première des choses, tu sais, dans le plus accessible, puis de laisser un peu le monde découvrir, tu sais, les jeunes, puis juste l'essayer, découvrir, puis se développer leur passion eux-mêmes, au lieu que ce soit dans un cadre imposé. Là, ça, pour moi, ça a toujours été... fondamental dans, tu sais, c'était de même que j'ai aimé le sport, puis c'est encore comme ça que je l'aime aujourd'hui. De le faire parce que j'aime ça. Puis bon, aujourd'hui, les outils sont changés, ça a évolué énormément, là, puis je pense que ça va devenir de plus en plus essentiel dans le cadre de développer des Québécois, puis d'espérer qu'il y en a un qui se rende jusqu'au bout, c'est qu'il soit outillé, puis que ce soit, bon, que ce soit de par l'équipe qui l'entoure, mais aussi les outils technologiques qui feront en sorte qu'il y aura tout ce qu'il faut pour se rendre. Dernière question, Kevin, ton futur pour le golf. Est-ce que l'année passée, t'es allé, t'as fait le show, mais c'était tu voyais du PD avec ta famille. Comment tu te vois au golf? Est-ce que tu penses jouer sur un... C'est circuit québécois, circuit canadien, circuit... C'est quoi, là? Comment tu te vois? Je suis un peu ailleurs là-dedans. Je vais revenir un peu, je pense, à ce que j'ai fait de par le passé quand j'étais à Saint-Gédéon. Fait que quand j'avais prévu faire ça cet été... L'été 2020, là, tu parles. J'ai pas eu l'occasion de part. Comment? L'été 2020 que tu parles. Ouais, la dernière été qui vient de passer, en fait, j'avais l'idée d'aller essayer de qualifier pour que ce soit des US Open. Ah, oui? C'est d'essayer de qualifier pour des tournois du PGA. Là, je faisais ça quand j'étais à Saint-Gédéon, puis j'avais encore l'intention de le faire. Puis ça risque de demeurer. J'ai du nouveau aussi qui s'en vient. On attend un deuxième petit bébé. Donc, forcément, ce sera à mettre dans l'équation. Mais, tu sais, non, je vais... Je suis un golfeur, ma famille est une famille de golfeurs, puis je vais toujours le demeurer, puis je vais toujours essayer de me garder le plus en game shape possible pour pouvoir sauter sur n'importe quelle occasion qui se présentera. Là. Fait que, tu sais, je ne penserai pas refaire du temps plein, du moins à court terme, sauf que je vais essayer de tenter ma chance quand le golf va être bon. Ça, c'est pour moi, ça me prend ça un peu dans mon système. Là. Fait que, puis de l'autre côté, je devrais peut-être un peu me recycler dans du côté service et d'essayer de rendre un peu mes compétences et mes connaissances au service de qui le voudra bien. Professeur de golf, c'est quelque chose. Tu étais déjà un petit peu, c'est ça que tu faisais un petit peu à Saint-Gédéon? Ah, je l'ai fait un peu. Ouais. Ça se peut que j'en fasse un petit peu, que ce soit enseignant ou peu importe, que ce soit dans un type de mentorat ou même d'essayer d'aider, que ce soit le golfeur amateur à s'outiller. Je regarde parce que bon, j'aime ça baigner dans le golf un peu plus que juste y aller à l'occasion. Donc, forcément, je devrais être encore dans le décor dans les mois et les années à venir. Okay. Kevin, félicitations, bravo. Ça fait quand même une longue entrevue. Je t'ai fait travailler un peu dans tes souvenirs. C'était ça le but, hein. C'est ça le but, de changer un peu le concept, de pas parler nécessairement de parler de performance, mais parler de carrière, parler un peu de qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport-là. Et au plaisir de se parler, c'est ça, de joyeuses fêtes, mon Kevin. Merci à toi, puis bonne continuité, mon cher, c'est toujours un plaisir. Kevin Fortin-Simard, le golfeur de Saint-Prime, on dit que c'est un des meilleurs golfeurs de l'histoire du Québec.